vu la lune depuis ma fenêtre. J'ai pensé aux oubliés, à l'Afrique, au tiers-monde. Bref, à tous les soupirés en soupirant. J'ai vite capté qu'on n'a pas le mec d'oublier. Chacun sa route, alors moi je prends le mic pour tout prier. J'ai vu la France voter facho, berné par les médias. Journaux, télé, radio, tous collabos dans l'immédiat. Le 14 juillet sur les champs, c'était défilé dictateur. Tu me dis que t'as voté UMP, ben moi je te dictator. J'ai vu 6 heures, JAV, enfermé avec une tox. J'ai eu peur de partir en cabane, j'ai sauvé ma peau dans le box. Des accusés, c'est abusé, je me sens désabusé. Voir ces keufs noirs seuls, bien qu'on les ait déjà rusés. J'ai vu l'espoir dans la jeunesse, trop souvent mis à l'écart. J'avoue en France, on aide les jeunes, seulement selon le tiers-quart. Reconduction à la frontière, pas sorti au papier peint. On jette des petits maternels, car les parents ont pas de pied bas. J'ai vu toute la banlieue en flamme, un petit goût de révolution. Je suis avant tout un pacifiste, mais j'ai cru en cette solution. La vie est un combat intense, en constante évolution. J'ai un gros besoin de réponse, besoin de résolution. J'ai vu des enfants disparus, victimes de pédophiles. Ceux-ci déjà condamnés, mais relâchés car bien dociles. Près de chez moi on cherchait Stelle, mais bon Dieu où est-elle? Malheureusement c'est trop tard, ce petit ange n'a plus d'elle. J'ai vu la haine sur les visages des enfants de Palestine. Ils ont beau envoyer des signes, c'est à la mort qu'on les destine. Chacun a besoin d'estime, or les humains se dessinent. Vu des cimes, c'est la fin du monde qui se dessine. J'ai vu des gosses en bas de chez moi, avec le schlass en poche. Déconnectés du réel, ils ambitionnent de rouler en Porsche. Les nerfs à vif, à croire qu'à la naissance leur âme s'égorge. Ça vend du shit, et ça passe toute sa journée sous le porche. J'ai vu ces femmes nigérianes, devant tapiner en banlieue. Et toutes ces victimes de bavure se terminent en non-lieu. Là où ça brasse des liasses, en bas ça pique rap dès l'enfance. Marianne, Tema, ne vois-tu pas ton peuple qui s'enfonce? J'ai vu le juge en face à face, qui m'a dit de faire bélec. Amende sur amende, sa mère, la justice me graille le steak. Diverses peines en stock, moi qui œuvre pour le bien. Si je raque encore, alors je devrais braquer pour faire le plein. J'ai vu ma plume et ma feuille, j'ai repris ma respiration. J'ai roulé l'instru en deux feuilles, pour avoir l'inspiration. J'ai écrit ce que j'ai vu, jusqu'à en arriver là. J'ai vu que t'allais écouter, ben tu verras, la rime est là. J'ai vu la haine, l'amour, la vie et la mort. J'ai vu les joies, les peines, les envies et les remords. J'ai vu les sourires et les pleurs, la famine et la guerre. J'ai vu la magouille, la violence et des potes à terre. Des gens se faire patater, des gens atteindre les sommets. Des gros poneys, des polos, des crapules et des honnêtes. J'ai vu des stars en pagaille, d'autres qui veulent y ressembler. J'ai vu tout ça et sur ma feuille je les ai rassemblés. La place MC. Yeah.